C'est un grand honneur que la main nous fait de choisir le 6B pour ses premières assises du foncier culturel. C'est un grand honneur, c'est par hasard. Dernière activité, non des moindres, donc l'action culturelle et donc tout le travail qu'on développe avec les compétences de nos résidents, avec les compétences de l'équipe pour aller rayonner et transmettre des pratiques sur le territoire avec de nombreux publics, les publics scolaires, les publics du champ social et les publics en situation de handicap notamment. Donc moi aussi je suis Juliette Bonpoint et je vous remercie aussi très vivement d'être tous réunis aujourd'hui dans des fonctions si diverses. En tout cas, ça faisait partie de, je pense, nos ambitions dans ce projet, de réunir la crème de l'immobilier innovant, les tiers-lieux eux-mêmes, artistiques, lieux intermédiaires indépendants, friches culturelles, et des collectivités ensemble de toute la France. Donc on est vraiment très contents de voir que vous avez aujourd'hui envie de travailler autour de ce sujet. Et voilà, je voudrais ensuite donner la parole à Stéphane Troussel, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, président du département de la Seine-Saint-Denis. L'initiative que vous prenez, à la fois à travers ces rencontres nationales, mais à travers cette plateforme d'échanges, de rencontres, d'initiatives, cet outil que vous créez nous paraît être un bon moyen pour approfondir la dynamique qui est à l'œuvre et surtout inventer ce nouveau modèle dont on a besoin pour pérenniser ces lieux tout en leur conservant ce qui fait leur originalité, justement à la fois le bouillonnement, la créativité, la diversité des initiatives, le fait qu'il n'y ait pas de modèle unique en termes de fonctionnement. C'est à la fois justement un outil de transformation urbaine pour nos villes, mais je le crois vraiment à un moment où notre société est taraudée par un certain nombre de sujets, de mettre la culture au cœur de ce qui nous permet de faire société commune. En tout cas, merci encore de cette initiative. Alors là, on va vous raconter avant de... Oui. Excusez-nous, ça sera court, on en a pour 4 minutes. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une réalité à la fois très en rapport avec les contenus thématiques de cette journée et en même temps qui nous empêche de participer normalement à cette rencontre. Le programme parle en effet de pérennisation des lieux, de droit à la ville, de foncier solidaire. Or, nous sommes justement les usagers et usagères d'un lieu à Montreuil, la parole errante, dont le propriétaire foncier n'est autre que le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Un propriétaire qui ne cesse d'éviter de répondre à la demande simple de celles et ceux qui font vivre ce lieu, le pérenniser en signant même une convention d'occupation précaire, avec le collectif d'usagers opportunément appelé la parole errante demain. Pour mémoire, la parole errante est née dans un autre temps. Les années 90, quand le Conseil Général du 93 accepta d'accorder à un homme de théâtre et son équipe la gestion autonome d'un grand espace en plein cœur de la Seine-Saint-Denis, pour des dizaines d'années. Une époque où Armand Gatti a pu ouvrir la porte à un nombre de réalités sociales et politiques sans avoir à demander l'organisation de cette tutelle. Depuis, les temps ont bien changé. Après la fin du bail en 2015 et la mort de Gatti en 2017, le propriétaire et Conseil Général de Seine-Saint-Denis a cessé de chercher à reprendre la main sur le lieu. Appel d'offres, mission de préfiguration ou même plus innovant, une médiation assurée par la main. Initiative toute défaite par la résistance collective des usagers ou par une simple inertie administrative. Dans la suite des expériences initiées par Gatti, le collectif La Parole est rendue demain a appris à faire vivre le lieu. Depuis 7 ans, déjà, c'est toute une multiplicité d'expériences et d'usages qui ont continué à fleurir. Par-delà les frontières établies entre culture, politique et sociale, nous avons cherché et continuons à chercher à construire un lieu respirable dans une métropole de plus en plus asphyxiante. Dessiner une autre ville, une autre géographie que celle imposée par les politiques urbaines et le projet du Grand Paris. Un espace tout à la fois d'accueil et d'activité, de ressources et de relais, où il est encore possible de répondre à des besoins qui ne trouvent pas leur place dans le monde de l'économie, même sociale et solidaire. Construire un lieu fait pour et par les usagères, et non pas un espace de prestation culturelle avec ses publics cibles. Nous avons accueilli des expériences diverses, des compagnies de théâtre à l'économie précaire, des projections de films autoproduits, des émissions de radio faites pour les habitants et les habitantes de la ville, des cours de sport inclusifs, des séminaires de philosophie extra-universitaire et même un café-librairie. Différents collectifs, de lutte et de solidarité ont organisé des soirées de soutien pour s'autofinancer. Des assemblées s'y sont constituées. Et pour s'organiser collectivement, trouvant à La Parole Errante un espace hospitalier et accessible au plus grand nombre, à partir duquel il est possible de s'organiser. Pas de vigile ni de directeur, mais un accueil inconditionnel, des prix libres, la possibilité d'être là sans motif, à rebours de la standardisation qui est à l'œuvre dans la plupart des espaces de la ville. Étonnamment, depuis que nous avons proposé un conventionnement au conseil départemental pour pérenniser ces usages, il n'y a pas, moins de 5 ans déjà, celui-ci ne s'adresse plus à nous. À ce jour, il nous laisse aligner des briques, alors qu'on ne sait pas si demain il viendra détruire le mur. Vous comprendrez donc bien que nous ne pouvons intervenir normalement à une journée de travail sur le foncier avec des partenaires publics sans évoquer le parc immobilier qu'ils détiennent. Nous savons tous et toutes ici que les collectivités territoriales disposent de bien des moyens pour soutenir les lieux en cas de véritable volonté politique. Préemption par les municipalités, baux emphytéotiques, conventionnement de longue durée, reconnaissance du droit d'usage. Et qu'elles préfèrent trop souvent recourir à l'expulsion de tout ce qu'elles ne contrôlent pas. Il nous semble donc quelque peu indécent de venir écouter un grand propriétaire foncier comme le conseil départemental se réjouir du recours au financement privé et autres crowdfunding. Comment ne pas voir ici la main pas si invisible du marché resserrer son étreinte sur l'action sociale et culturelle publique, détruisant ainsi toute possibilité réelle d'invention et de construction par le bas. De même, il nous semble impossible de parler de droit à la ville et à la culture dans la métropole sans lutte active contre la gentrification et l'exclusion. Dans l'attente de signer un bail amphithéotique, nous restons à l'entière disposition de notre propriétaire afin de programmer un rendez-vous. En attendant et par la suite, nous continuerons à prendre la parole. Bonne journée. Merci pour votre intervention. On se ravit du coup de votre présence pour échanger et travailler avec nous aujourd'hui. Je vais juste la parole à Stéphane Poussin.